L'émission Les oreilles ailleurs vous est présentée par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier-Est, cafébabylone.com. Projet Satua rend hommage aux femmes en Égypte, en Tunisie, en Libye, en Syrie, sur des sonorités arabes remixées. Ça, c'était écrit dans le Huffington Post du Maghreb par Rebecca Chaouch le 28 janvier 2014. L'album venait à peine de sortir. Et c'est un album qui a été produit sous le label allemand, label indépendant Jakarta Records. Le projet Satua, c'est une organisation qui s'appelle Media and Cooperation and Transition, MICT, qui a réuni des artistes de Tunisie, Nawel Ben Krayem, Badia Bourizi, pardon, Medusa Houaïda, d'Égypte aussi, Donia Massoud, Mariam Saleh, la magnifique Mariam Saleh, Yusra El Hawari, avec son accordéon, cette femme est géniale, mais aussi de Libye, Nada, et de Syrie, Racha Rizk. J'ai lu d'ailleurs à propos de Racha Rizk qu'elle fait les voix de Pokémon, qu'elle a fait ça. Faut bien vivre dans la vie, mais elle a une voix tout aussi magnifique que les autres. Toutes ces femmes ont donné de la voix pour rendre hommage aux actions et au combat des femmes de ces pays au lendemain des révolutions arabes. L'album a été enregistré il y a un an à Tunis et au Caire. C'est 12 morceaux. C'est un mélange entre la musique arabe traditionnelle, des sonorités plus actuelles. Le rappeur et producteur américano-soudanais Odyssey, les artistes Olof Dredgler et Brink, ainsi que les remixeurs Blundetto et Blackjoy, ont apporté leur petite touche de modernité. Alors, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. C'est ce qu'on va écouter aujourd'hui. Cet album qui vient à peine de sortir, c'est tout frais, c'est une exclusivité, c'est KRL, on peut dire ça comme ça. Je vais vous lire un dernier passage avant de débuter la première chanson. C'est Michel Lemonnette au micro en passant. Excusez ma voix, j'ai une voix un peu rauque, c'est normal. J'ai été quelques jours alité, mais là, ça va mieux. Vous en faites pas. Je vais donc lire un extrait. Ça m'a jeté quelques larmes quand j'ai lu ça la première fois. Encore aujourd'hui, surtout des artistes et surtout des femmes sont piégées dans une spirale répressive, discriminatoire et violente. Satua est un témoignage vital et encourageant de la rébellion contre la répression des droits démocratiques, l'inégalité homme-femme et l'exclusion. On commence avec une première pièce de cet album, Nawel Ben Maria Saleh, Noual Hammam. على للي العودة لمدينتي سعادة واطمئنان حواري حافظها بالخطوة وعارف ناسها بالإنسان طرف العودة لمدينتي سعادة واطمئنان حواري حافظها بالخطوة وعارف ناسها بالإنسان عطرين محسوب على الألوف منهم عطرين محسوب على الألوف منهم وسطهم نوع الأمان غير نوع أمان والبعد عنهم في أمان غير الأمان أمان غير الأمان Thank you. Mariam Saleh interprétait Watan El Hak. Auparavant, c'était Yusra El Hawari. Si vous avez, comme moi, découvert cette chanteuse quand elle a sorti son en fait, ce qui a été un grand succès, non seulement en Égypte, mais dans tout le monde arabe, El Sour, le mur. Vous avez vu à quel point elle sait bien jouer de l'accordéon et surtout conjuguer l'accordéon avec des airs tout à fait actuels, mais aussi des airs folkloriques égyptiens. Mariam Saleh, pour sa part, est un peu considérée comme une enfant rebelle en Égypte. Elle était du milieu underground et de plus en plus, elle est de plus en plus connue là-bas. Mais j'espère vous la faire découvrir ici. J'espère vous donner le goût, surtout d'écouter d'autres albums qu'elle a pu en disquer, notamment avec Zaïd Hamdan. Zaïd Hamdan, vous vous rappelez, je vous en avais parlé, enfin vous vous rappelez si vous écoutez régulièrement l'émission Les Oreilles Ailleurs. Zaïd Hamdan est un peu le grand Manitou autour duquel tout ce milieu underground libanais finalement s'est regroupé. Et c'est un producteur, c'est non seulement un artiste, un chanteur, un compositeur, mais c'est aussi un producteur de disques. Il a notamment produit les premiers disques de Yasmine Hamdan, cette grande dame de la chanson libanaise, et je le dis sans flagornerie, parce que son dernier album est absolument superbe. On va poursuivre avec d'autres artistes qui ont été acceptés de collaborer à Sawuta Satua, qui veut dire la voix en passant, qui met en valeur, qui parle finalement des femmes en lien avec la révolution arabe, le printemps arabe. Et, on va écouter Medusa Naheb Ninch Hayati. Medusa, c'est une chanteuse hip-hop tunisienne qui est très populaire là-bas. Et ensuite, on va écouter Badia Bourizi, qui est venue à Montréal en 2012 dans la chanson Manaha. Et on va terminer la demi-heure avec Noël Ben Krayem, figurine. Sur le pavé danse la virginité, sur le pavé en transe les hommes pressés, la femme s'aventure vers de nouvelles contrées. Yeah. Sur le pavé danse la virginité, sur le pavé en transe les hommes pressés. La femme s'aventure vers de nouvelles contrées, le sang est monté à la bouche qui hurlait, le rideau tombe ballant et difficilement la sombre histoire n'est pas une fiction. Elle te rattrape le soir dans le noir et l'homme demande pourquoi tu ne vas pas dormir, tu ne vas pas dormir. La figurine est lassée, la femme s'aventure vers de nouvelles contrées. Le rideau tombe ballant et difficilement la sombre histoire n'est pas une fiction. Souviens-toi l'Algérie, les femmes qui posaient des bombes dans les cafés, lieux virils. Il paraît un. Tu redessines le pouvoir, le vouloir, le plaisir, le désir et le rire dans la rue qui t'attire, le pavé sous tes pieds et ta bombe qui explose, qui dormira plus jamais sur le pavé. Ah, sur le pavé. Ah, sur le pavé, tu danses, tu ne veux plus dormir sur le pavé. En transe, c'est la rue qui t'attire. Ah, du 5 février au 2 mars, c'est la 15e édition du Mois Multi. Un électrisant programme vous transportera durant ces 27 journées de festivités. Spectacles multidisciplinaires, performances sonores et lumineuses, danse, art électronique, installations robotiques, sonores et interactives, cabaret multi et bien plus.

القمر قدامي ملون وارد شوري. city لبسها متروزة كانت بخطر في العلفاني شني يزين وشني العيني شوفك يبكيش من القهرة يا حسرة يا ولا وهرة يا حسرة يا ولا وهرة يا حسرة يا ولا وهرة يا حسرة يا ولا وهرة يا حسرة يا ولا وهرة يا حسرة على سفسالينا يا حسرة على سفسالينا يا حسرة على سفسالينا يا حسرة على سفسالينا يا حسرة على سفسالينا مشى زمان وجا زمان والدنيا ما فيها مان تتبدلت ونس العزيزة وانسانا ولا وفريسة أهوين الزين وهين العين مشى السفسالي في الساقين لك حل ساك في البلاد وين ماشي نفيقوا يا عباد وين ماشي نفيقوا يا عباد أهوين ماشي نفيقوا يا عباد بالعدس الجوب تخبي تجيني رص يا ناري على سفسارينا الدم وتحط في تركينا الدم وتحط في تركينا يا حسرة يا ملا وهرة يا حسرة يا ملا وهرة يا حسرة يا ملا وهرة يا حسرة على سفسارينا يا حسرة على سفسارينا يا حسرة على سفسارينا يا حسرة على سفسارينا يا حسرة على سفسارينا يا حسرة على سفسارينا يا حسرة على سفسارينا À l'heure des monstres, celle de se couvrir soigneusement, se cacher l'âme pour affronter le blâme, le voile, l'Occident, le croix tradition, le voile, cette nouveauté des nations du soleil, qui cache ses couleurs vermeilles, le Maghreb voile ses richesses, se protège de ses faiblesses, devenue colonie du Moyen-Orient, comme pour s'émanciper de celle d'avant, je rêve du voile d'été, ce fait, le blanc, le doux, celui de nos aînés, il s'est transformé, s'est bariolé, le visage déguisé, grimaçant, les deux rives se regardent hargneusement, les deux rives se regardent hargneusement, les deux rives على سفسارينا يا حسرة على سفسارينا ساعات نور ساعات ظلام والمنعه C'était Badia Bourizi. Badia Bourizi, je vous ai dit tantôt qu'elle est venue à Montréal en 2012. C'est, pour ceux qui la connaîtraient sous son autre nom, c'est Naïsatou. On va terminer cet album, la dernière plage de cet album, qui s'appelle Satua, S-A-W-T-U-H-A. Vous cherchez ça dans les internets, comme on dit. Vous allez trouver facilement. Vous allez trouver facilement ou le télécharger si vous avez aimé aussi. On termine donc avec Nawel Ben Krayem et à la chanson Nada. تعبنا من الاحتقار الاستغلال والإذلال رفقا بالقوارير مش أنا ربي اللي قال خنقتونا بالمفروض والمرفوض تشن هالحال نحن الآن قررنا هذا الوضع صار محال يلا من يوم وغادي كنا ننادي في وسط بلادي دورك حيكون قيادي جريء لكن حيادي المرأة قوة أكبر من كل خيال وانت يكون في طرفي ولا نعتبرك معاد Voilà, c'était l'album Satua, S-A-W-T-U-H-A, et c'est neuf femmes, neuf musiciennes, chanteuses, interprètes, certaines uniquement musiciennes, qui ont indiqué cet album sur étiquette Jakarta. J'ai mis en fond musical le temps de terminer l'émission, une chanson qui vient tout juste de sortir, vraiment tout juste de sortir ce matin sur le fil Twitter de l'émission, le fil Twitter qui s'appelle Orailleurs, O-R-A-I-L-L-E-U-R-S. Il y a le blog aussi, lesorailleailleurs.net. Vous pouvez aller voir toutes les pièces qui ont joué aujourd'hui. Je vais les mettre, vous allez mettre les titres. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes. Si vous avez pris des notes, en tout cas, vous n'avez pas besoin, j'aurais dû vous le dire au début. Tout ça va être sur le site Les Orailleurs, de même que le lien pour aller vers le fil Twitter, la page Facebook et tout ça. Donc, je disais ce matin, il y avait beaucoup d'effervescence sur le fil Twitter de l'émission. C'est Kairoki qui vient tout juste de sortir un album. C'est tout nouveau. L'album s'appelle LCK Shimal. Je vous laisse avec quelques notes à peine de cet album. Je l'ai écouté, il est magnifique. Michel Bonaparte suit Topic du Capricorne. Je vous dis au revoir, à la semaine prochaine. تسمع تكبير كل هالملايين أصوات مخنوعة صار لسنين وسنين صوتك وانت ساكت فيق كل الناس يا رافع راسي ما أطيب هالكاس L'émission Les Oreilles Ailleurs vous a été présentée par le Café Babylone. Lieu de rencontre et de dépaysement, le Café Babylone est une invitation permanente à la découverte culinaire. Laissez voyager vos sens. Au 181 Saint-Vallier-Est, cafébabylone.com.